pas pépé dans un coin. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique-moi si tu peux avec la bande habituelle. Bonjour Arnaud. Bonsoir. Ça va ? Ouais, ça va bien. Super. L'ami Pierre, comment vas-tu Pierre ? Bah ça va bien et toi ? Bah écoute, chaudement mais ça va. Sylvia. Salut. Hello, comment vas-tu ? Ça va. Bon bah tout le monde va bien, il reste le dernier, Antoine. Bonjour. Voilà, et toi aussi ça va ? Moyennement. Ah merde, on partait sur une grosse soirée et là, voilà. Je suis fatigué, j'ai fait représentation de théâtre ce week-end et je suis claqué. Et t'as joué Réservoir Dogs au théâtre ? Ce qui tombe bien, c'est un concours de circonstances parce qu'il se trouve que ce soir nous allons parler du film Réservoir Dogs, donc choisi par Pierre, dans le cadre de la thématique « Celui qui trahissait le pacte ». On est toujours sur le nom d'un épisode de Friends et le hasard faisant bien ou pas les choses, tu avais pour thématique imposée, donc « Celui qui trahissait le pacte ». Et du coup, pour ce faire, tu as choisi un film de Quentin Tarantino, « Réservoir Dogs ». Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Pierre ? Alors, deux mots. Réservoir et Dogs. Ouais, c'est ça. Ça fait déjà plus que deux, donc je suis déjà hors sujet, je suis désolé. Alors, j'ai pris ce film-là pour plein... Alors, j'avais beaucoup de choix, hein, clairement. Thème assez ouvert, on va dire. Il y avait beaucoup de films qui correspondaient à ce thème. J'en avais plein en tête. J'aurais pu mettre Les Affranchis, j'aurais pu mettre Les Infiltrés, j'aurais pu mettre plein de films de truand. C'est souvent la base du film de truand, en fait. Pas tout le temps. Mais il y en a quand même plein qui correspondent. Donc celui-là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je pense que j'ai dû le voir à mon époque, on va dire entre 17 et 20 ans. Je n'avais plus énormément de souvenirs, à part que c'était dans un hangar, quoi. Et qu'ils crevaient tous à la fin. Oh là, tu spoil. Désolé, je spoil, hein, mais bon. C'est quand même un film assez connu, je pense. Oh, il spoil légèrement. Et j'avais envie de le revoir. Je pense qu'il correspondait bien parce que j'avais en tête, hein, quand même une trahison qui se passait pendant le film. Alors, tu vois, on est obligé de spoiler vu qu'on doit parler de la trahison. Donc, on est un peu obligé de spoiler. On n'est pas obligé de dire qui trahit. Et donc, en le re-regardant pour valider mon choix, je me suis rendu compte qu'il y avait même potentiellement plusieurs niveaux de trahison. Donc, ça correspondait encore plus au thème, je trouve. Si on était attentif un peu, enfin attentif ou pas, hein, d'ailleurs, mais en tout cas voilà, je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de trahison, donc ça correspondait bien. Le film, moi je trouve qu'il se regarde toujours bien, je l'ai bien, j'ai passé un bon moment à le revoir. Puis il y a plein de détails qui font qu'on peut le revoir plusieurs fois pour apprécier certains petits détails. Pour ça, je trouve que c'est un film qui est voilà, qui peut faire plaisir à voir ou à revoir, qu'il faut voir et qu'on peut même revoir. Donc je me suis dit, voilà, je sais qu'il y en a qui n'allaient pas aimer, hein. C'est sûr, c'est du Tarantino, donc il n'y en a qui n'aiment pas. C'est même le premier film de Tarantino, quand même, c'est pas rien. C'est son premier Tarantino. Alors moi, je suis pareil, je suis pas un grand fan non plus, j'aime pas tous les Tarantino, tous les films de Tarantino. Mais celui-là est dans la liste de ceux que j'aime bien, donc je veux dire, allez, revoyons-le. Deux et avec Tarantino. Donc effectivement, film de 92, j'aime bien le titre au Québec, c'est Les Enragés. Donc toujours... parce qu'en fait, le titre Réservoir Dogs, c'est vrai, je sais pas s'il y en a qui a une meilleure explication. Mais y a pas de chien, quoi. Bah non, mais c'est tous des... C'est très bestial comme film. C'est tous des crevards, hein, c'est tous des clébards. Tous un peu des chiens, quand même. Après, on retrouve quand même des acteurs. Moi, j'ai du mal à... Parce que je me souviens plus s'ils étaient connus ou pas. En tout cas, aujourd'hui, ils sont connus, quoi qu'il arrive. Hein. On retrouve Tim Ross, Michael Madsen, que moi j'adore, Hervé Kettel. On retrouve Steve Buscemi, Quentin Tarantino. Enfin, voilà, il y a quand même une belle bande. Et du coup... Comme ça, en petit tour ultra rapide, qu'avez-vous pensé, en quelques mots, hein, quelques sans S d'ailleurs pour que ce soit rapide, qu'avez-vous pensé de ce film? Et déjà, est-ce que vous l'aviez vu, pas vu Ils étaient tous déjà inconnus, hein. Même Madsen, il avait déjà fait Thelma et Louise juste avant, enfin Kettel, il était connu. Kettel était connu, c'est sûr. Ouais, alors Kettel, j'ai vu qu'il avait même aidé à la production du film, en plus, mais ouais. Les autres, je pense, ça a quand même aidé à ce qu'il soit connu. Il y a notamment celui qu'on retrouve souvent dans les films de Tarantino, là, Michael Madsen, quoi. Alors, est-ce que vous aviez vu ce film ? C'est une découverte, redécouverte et dans un cas, est-ce que vous aviez un bon souvenir ? Est-ce que la découverte ou la redécouverte fut bonne, intéressante ? Allez, je... Sylvia, on va faire rapide. J'hésite, je sens du ça sceptique. Ça va être rapide. Vas-y, ouais, Sylvia. Sylvia, c'est rapide. Comme ça, elle ne peut pas dire « je copie ». Alors, je ne crois pas que je l'avais vu. Ou alors, je ne m'en serais pas souvenu. Et... ça m'a pas passionné, ne serait-ce pour faire court, parce que globalement, c'est assez rare que j'aime les films qui sont très théâtreux, et là, c'est quand même bien le cas. C'est vrai qu'il y a une unité de lieu, une unité de... Bah de temps. Hein. Ah, c'est pas 100% du film dans le même endroit. Mais... Oui, mais bon, mais ça reste du théâtre. Tu pourrais l'imaginer au théâtre. Tu pourrais l'imaginer au théâtre. Pour ça que... bah, d'ailleurs, Antoine l'a joué, ce qu'il disait hier. Et d'ailleurs, à la fin, bah, il cherche maintenant 6 acteurs pour la prochaine répétition. Parce qu'il joue à balles réelles. Donc, c'est un acteur vivant. C'est un théâtre vivant. Donc, le problème, c'est qu'ils sont obligés de se réinventer à chaque représentation. Et d'ailleurs, on sait quel rôle jouait. Antoine, du coup. Arnaud, j'ai envie d'avoir ton avis, Arnaud, sur ce film. Alors, le film, bah, je l'avais vu, oui, plus jeune, au cinéma. On s'en doute que c'est quand tu étais plus jeune que tu l'as vu, ça m'aurait inquiété que tu l'aies vu quand tu étais plus vieux. Regardez, le souvenir d'une seule scène dont on parlera, une scène musicale un peu décalée, quoi. Quand il met la radio ? Oui, quand il met la radio, mais j'ai bien aimé le rôle des acteurs. On sent pas une passion dévorante. On sent, ouais. Je t'ai senti plus investi. Il est à fond. Arnaud, il est à fond, là. Les batteries sont à plat, là. Non, je... Je suis resté... On dirait, comment il s'appelle, là, l'écrivain, là, qu'il parle, là, le philosophe, là. Welbeck. Ouais, Welbeck, c'est ça. Non, ouais... C'est une brève de comptoir qui dure un certain temps, mais j'ai eu un peu du mal, ouais, à... Tu l'avais déjà vu, donc c'était la seule fois que tu l'as revu ? Non, j'avais dû le revoir après en cassette. D'accord. Mais ouais, le seul truc qui m'avait peut-être impressionné à l'époque, ou ben, m'a même plus impressionné, et c'est plutôt d'autres choses, hein, peut-être un peu plus fines, qui ont attiré mon attention. Mais globalement, je l'ai revu par curiosité, mais j'aurais préféré garder l'idée que j'avais de l'époque, qui n'était déjà pas folichonne, mais parce que c'est c'est même plus que du théâtre filmé, ouais, c'est de la brève de comptoir filmé, donc après je me suis pas senti concerné en fait par ce film. D'accord. Je me suis senti vraiment à côté. Bon. Ouais. Ok. Mmh. Antoine. Alors moi je développerai tout à l'heure, mais j'ai un rapport à Tarantino qui est assez particulier en fait. J'ai vu tous ses films au cinéma, sauf le dernier Once Upon a Time, parce que là, j'ai jeté l'éponge. Ça ne m'a jamais vraiment plu, ces films. Enfin, il y en a certains qu'on a vus ensemble, d'ailleurs, Seb. Et il n'y a pas longtemps, j'en ai revu quelques-uns pour me dire bah, peut-être que j'ai changé, peut-être que voilà. Et en fait, à chaque fois, je m'ennuie quand je vois ces films. En fait. Et donc, Reservoir Dogs, moi, je l'avais vu il y a longtemps. J'avais connu avec ma Pulp Fiction. Et en fait, bah, ça correspond à un moment de ma vie où j'aimais les trucs de mafieux. Je regardais les séries, les Sopranos. Et il y avait tout un imaginaire au cinéma dont Reservoir Dogs faisait partie, dont même Tarantino faisait partie. Bah, le revoir, ça m'a saoulé, en fait. Enfin, tu vois, alors c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est un premier film, et tu vois qu'il y a déjà tout ce qui fait le cinéma de Tarantino, en fait, hein. Les discussions en voiture, Los Angeles, le coffre qui s'ouvre, et puis tu vois les personnages filmés en contre-plongée. Enfin, c'est des trucs que tu vois dans tous ces films. Et puis après, le côté vulgaire, le côté... Moi, je pense que j'ai vieilli. Je pense, c'est certain, mais ça me fait plus triper comme ça pouvait me faire triper quand j'étais gamin, en fait. Enfin, quand j'étais ado et que j'ai vu ces films. Je trouve que maintenant, ouais, j'arrive à voir la limite du cinéma et le côté pièce de théâtre. Alors, il y a un côté qui s'explique qui est très... bah, ça coûte pas cher quand t'as qu'un décor. Hein. Et bah, c'est vide, en fait. Enfin, y a rien, il n'y a jamais rien en arrière-plan. Enfin, ils auraient filmé sur des fonds verts et ils auraient incrusté un garage en arrière-plan, que ça aurait été la même chose, en fait. Enfin, et j'espère franchement que la conversation qu'on va avoir là ce soir, vous allez m'éclairer. Je vais changer le point de vue que j'ai sur Tarantino, mais moi, j'y arrive pas, Tarantino. Enfin, je l'ai vu, je me suis emmerdé. Pourtant, il est court, il dure 1h30. Hein. Voilà, je suis vraiment pas fan. Et moi, c'était un film que j'avais pas vu, donc j'ai découvert. Ça devait être. C'est bien, c'est bien, c'est chouette. C'est un des rares Tarantino de la chance. Que j'avais pas vu. Mais ouais, mais j'étais content du coup de le découvrir, parce qu'au final, je m'étais jamais forcé à le voir. Comment dire ? On va en rentrer dans les détails. Je regrette de pas l'avoir vu plus tôt, en fait, ce film. Bon, après, quand il est sorti, j'étais trop jeune, mais. Finalement, je me dis, j'aurais dû le regarder plus tôt. Pas que j'ai pas aimé, mais justement, à la rigueur, moi, je trouve que c'est un film qui est une pierre importante dans la façon de voir le cinéma, de tourner. Alors oui, de Tarantino, mais je pense pas que ça a inspiré d'autres styles. Et du coup, le voir après avoir vu plein d'autres Tarantino, j'ai l'impression de découvrir le brouillon d'une œuvre, alors que j'ai déjà vu des œuvres, en fait. Et c'est plus en ça que je suis déçu. C'est-à-dire que c'est pas le film qui me déçoit, mais... effectivement, il a mûri son cinéma. Alors moi, j'aime pas du tout Pulp Fiction, par contre. Mais sinon, j'aime assez bien les films de Tarantino, mais sauf Pulp Fiction, que j'ai jamais. Bah, tu vois, Pulp Fiction, je l'ai revu il y a pas longtemps au cinéma. Et celui-là, je l'ai toujours trouvé bien, en fait. Enfin, tu vois, déjà à l'époque, je l'aimais bien. Et en le revoyant au cinéma, ouais, j'aime pas du justement, bah, voilà, encore un tic de Tarantino, cette espèce d'imbrication d'histoires, plusieurs histoires en même temps, en parallèle. Enfin, voilà, une espèce de puzzle, mais qu'on voit dans tous ses films. Ouais, mais justement, je trouve que toi, tu parles d'écran vert. Je veux dire, à l'époque, il n'est pas connu, il a zéro budget. Et encore, il y a Hervé Kettel qui l'aide à finalement produire le film. Et moi, je trouve que ce qui est fort... Enfin, moi j'ai été assez happé par la scène d'intro. Je trouve la façon de filmer, tu les vois discuter autour de la table là, de Madonna, de trucs. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que il y avait un effort. Enfin, je veux dire, même dans les films aujourd'hui, la mise en scène ou la façon de filmer, elle est d'une platitude absolue. Et là, justement, avec trois fois rien, et ben, je sais pas, les scènes, il arrive à leur donner du corps. Donc et puis je pense qu'il y a l'acting quand même. En fait, les mecs, ce que je trouve le talent de Tarantino, et je trouve que d'ailleurs c'est valable dans tous ses films, alors peut-être moins Kill Bill, encore ça se discute, mais en fait je trouve que son casting fait que les mecs, même s'ils jouent, je sais même pas s'ils jouent bien ou pas bien, mais ils ont une gueule. Ils incarnent. Ouais, exactement. Ils incarnent quelque chose, ils ont une gueule, et du coup. Bah, je sais pas, moi je trouve que c'est tellement désincarné la plupart des films. Des films français Non, mais moi je vais deux ou trois fois, enfin deux fois par semaine au ciné. C'est bien, bravo. Non, mais les films, il y en a beaucoup de désincarnés. Et là, je sais pas, il a ce don. Alors je sais pas s'il les transcende ou pas, mais moi je trouve que toujours tous ces films, il a su les amener. Et je pense que celui-là est une pierre angulaire dans la façon de monter ses films. Je pense que ça a été surprenant pour les acteurs. Moi, je trouve que c'est une. C'est une force de Tarantino et que tu vois déjà dans ce premier film. En fait, tu vois que le gars, il aime le ciné parce qu'avec très peu de moyens et très peu, enfin voilà, ouais, peu de moyens et peu d'acteurs aussi, et pas grand-chose dans tous les cas, il te fait des scènes comme t'as dit bien construites. Enfin moi, je trouve c'est du bon cinéma. Alors t'aimes ou t'aimes pas, comme la façon dont c'est filmé, la façon dont les acteurs sont mis en avant, les personnages des acteurs sont vécus, enfin, la façon dont ils vivent le film, ça c'est un peu la touche un peu Tarantino, je trouve. Enfin, tu sens cette touche au niveau de cet effort de te faire du bon cinéma dans la façon dont... Moi la réflexion que je me suis fait en voyant, comme je disais tout à l'heure, t'as déjà tous les tics de Tarantino, la musique, le mec... Mais non, mais c'est son premier, donc t'as pas ses tics, en fait. Bien sûr que si, la musique, tu la retrouves après dans tous ses films, d'ailleurs, à chaque fois, il y a des bandes annonces, il y a des bandes originales qui sortent, enfin voilà, le fait d'utiliser des musiques déjà existantes, les destins croisés, t'as aussi le Deus Ex Machina, le mec, alors ça il avait fait ça dans les 8 ou les 12 salopards, moi j'avais trouvé ça nul, mais là il nous le refait, où le flic pendant une demi-heure, on dit, oh, il est mort, puis alors d'un coup il flingue quelqu'un, il se réveille, tu dis non mais c'est nul ça. Enfin, moi je trouve qu'en fait dans ce film t'as déjà tout Tarantino, mais t'as aussi les limites de Tarantino, c'est à dire que j'ai jamais rien vu d'autre. Alors, en fait après il a toujours eu soit des acteurs plus prestigieux, tu vois, ou des plus gros budgets, mais au final ce type qui effectivement, et ça dans toutes ses interviews, après je reconnais que j'ai aussi un peu de problème avec le gars que je trouve un gros melon, qui va nous balancer tant ses références que ses films sont toujours inspirés de vieux films que personne n'a jamais vu, pourquoi pas, mais au final est-ce que ce type, et je pose cette question en toute sincérité, est-ce que ce type crée quelque chose, est-ce que ce film il date de quand, des années 90, donc ça fait déjà 92, c'est déjà un réalisateur il est connu, enfin je veux dire, il a fait 10 films en plus, son truc, ah, je vais en faire un dixième, je sais pas, il fait sa diva, ça me gonfle ça, tout ça pour se faire mousser. Et au final, qu'est-ce qu'il a créé à part pomper des trucs à droite et à gauche, et tout le monde pompe, enfin genre, j'ai pas de souci là-dessus, mais il a son style, oui, il a son style, mais c'est comme Wes Anderson, au final, ok, mais je trouve que ça... Ah oui, bah regarde Wes Anderson, il fait le même film depuis longtemps. Non mais longtemps. Voilà, oui, sauf que Wes Anderson, au final, moi c'est pareil, c'est un truc qui... Non, le dernier, je l'ai pas vu, mais il est plus épuré apparemment. Ouais, enfin, c'est vrai, j'ai vu la bande-annonce, tu savais que c'était Wes Anderson quand même. Tu peux pas. Ça fait pas épuré. T'as un casting où il y a 500 personnes et les mêmes façons de filmer. Et même filmer, toi, les acteurs. Alors, je sais pas s'il faut s'amuser à faire cette comparaison, parce que, comme dirait le grand Arnaud, comparaison n'est pas raison, mais t'avais hésité entre Scorsese et Reservoir Dogs. Le Scorsese, les Affranchis, je l'ai vu, ouais, un certain nombre de fois et je prends toujours plaisir à le voir en fait. Et je me dis, on peut parler des acteurs dans les films de Tarantino, ok, ils marquent, mais par exemple Harvey Keitel, je le trouve pas exceptionnel. Et alors que De Niro, Ils arrivent, tu vois, d'autres acteurs dans Les Affranchis, des moins connus. Moi, je suis à fond dedans. Alors, on ne peut pas comparer un premier film de réalisateur avec un film qui arrive au bout d'un certain nombre d'années de carrière, tu vois, mais je ne trouve pas, moi, que dans ces films, à part maintenant, comme il est devenu très mainstream, donc eh ben, je ne parle pas de Scorsese, mais de Tarantino, il y a des acteurs plus connus qui viennent là, mais Michael Madsen, là. Bah, il est excellent, lui. C'est lequel, celui-là? C'est celui qui se fait flinguer, celui qui danse, en fait. Ouais, je pense qu'on va en parler de cette scène-là. Ouais. Le coiffeur. Ouais, c'est ça, le diminutif. Là. Mais il est excellent, lui. C'est un acteur, moi, que j'adore, qui est né de Tarantino, quand même, j'ai l'impression. Je sais pas. Franchement, moi, j'ai l'impression qu'à travers ce film, tu vois tout. Tu vois tout ce que Tarantino fera plus tard dans ses films, mais tu vois la limite de son cinéma aussi. Ouais, mais alors c'est marrant parce que tu vois, en fait, enfin, je veux dire, comme tu dis, il a fait même pas 10 films. Quand tu regardes ses films, moi, enfin, je sais pas, quand je vais voir un Tarantino, il y a un peu le côté, je sais quand même globalement ce que je vais voir dans le rythme, c'est-à-dire il va y avoir des longs dialogues, une tension qui va monter, et là, dans celui-là, il est à ses prémices, mais que tu te retrouves après dans tous ses films, et surtout dans les derniers, ces longs dialogues, limite, il te fait surfer avec l'ennui, et puis tu sais que ça va partir en couille, et tu cherches un peu, ça va être quoi l'élément déclencheur. Et moi, je sais pas, je peux comprendre qu'on aime pas, mais moi, il y a ce petit côté... Je vais pas dire jouissif, mais comme un Ryan Johnson, tu vas dire « Ah putain, maintenant, à chaque fois qu'il prend un film, il en casse les codes. Quand je vais voir un Nolan, je sais qu'il va aller essayer de lui mettre du temps ou un truc. » En fait, moi, je trouve ça bien aussi que des réalisateurs, ils aient une patte. Après, on l'aime, on l'aime pas. Mais il y a tellement, justement, de réalisateurs qui sont des... On les appelle les yes man, là, les gens, c'est plat. C'est-à-dire, tu l'aurais filé ça à Pierre, Paul ou Jacques. Pierre, s'il te plaît. Ouais, surtout Pierre. Mais ce que je veux dire, c'est que là, eh ben lui, oui... Tu as un style derrière. Alors après, on peut ne pas l'aimer, mais ça c'est un droit et c'est normal. Mais au moins, on peut pas lui reprocher de pas en avoir. Et moi, je trouve que ça manque de personnalité la plupart des réalisateurs. C'est-à-dire que si aujourd'hui un réalisateur qui a une personnalité, ouais, il y en a 2-3 quoi. Mais au final, il y en a pas beaucoup. Enfin, il y a peut-être plus. Mais il y en a pas non plus 500 quoi. Mais une fois que t'as fait la dizaine là, bon. Mais c'est parce qu'il est aussi dans le cinéma de genre à chaque fois. De genre, je sais pas, non, parce qu'il s'est attaqué à des westerns, il s'est attaqué. Bah, oui, western, c'est il a fait tous les genres. Il a fait tous les genres. Quoi. Il fait le, si, les films de samouraï. Après, il fait le western. Ouais. Après, il fait les. Oui. Donc c'est du film de, c'est oui, du cinéma c'est... de genre qu'il fait, c'est sûr. Ah, mais... de genre. Et Kill Bill, c'est quoi comme c'est genre le samouraï, alors c'est ça. C'est les films hongkongais. Mais Tarantino, il a fait. C'est les films de genre, mais au moins il a fait tous les genres. Oui, non mais. Il a fait plein de genres qui ont rien à voir. Pas trop la comédie. Pas trop la comédie. Il y a toujours un petit peu de comédie dans chaque film. Pour moi, son pire film, ça reste Inglorious Bastard. Alors, la scène où il est dans le restaurant là, bon, c'est le pire film. Le alors, bar, pas, le pub. Ouais, ils sont dans un bar où ça dialogue, tu sais que ça va partir en couille, mais moi j'étais au cinéma, je me dis mais allez, on attend que ça, et au final quand ça part en sucette, moi ça m'a, je fais ah ouais super. Oui, mais après toi t'aimes pas le style, ça s'entend. Non, mais c'est pas mais que j'aime pas le style, moi c'est que le style au mais final. Mais toi Once Upon a Time, vous le mettez dans quel genre là? Once Upon a Time in Hollywood, moi je sais pas. Pour moi, c'est pas un genre, Once Upon a Time. C'est un hommage au cinéma. Oui, il réécrit. Moi, je trouve qu'il rend hommage au cinéma. Il y a eu des moments où je me suis ennuyé. Mais dans l'absolu, mais à la fin, il rend vu. Hommage au cinéma dans tous ses films, vu que ses films s'inspirent d'autres cinémas. À un moment, il va chercher Ennio Morricone. Tous les cinéastes, ils s'inspirent à un moment du bah cinéma. Oui. Sinon, comme a dit Seb, il n'y a pas d'âme, il n'y a n'importe qui qui pourrait réaliser, en fait. Tous les grands cinéastes, ils s'inspirent de ce qui les a marqués et ce qui leur a fait aimer le cinéma, en fait. Et Tarantino, on fait partie de ces gens-là où il a aimé le cinéma, il a regardé plein de films qu'il a adorés et qui lui ont marqué à vie, et il veut d'un côté aussi repartager tout son amour du cinéma en faisant des choses. Alors oui, il s'inspire de trucs à droite à gauche, ils sont jamais cachés. Mais attends, ils l'ont tous fait, Spielberg, Méliès, pas de soucis là-dessus. Cameron, ils se sont tous inspirés. Ça, il n'y a pas de soucis, mais voilà, c'est au final. Alors si, moi, de toute sa filmographie, il n'y a qu'une scène. Moi, il ne me reste rien du cinéma Tarantino, sauf une scène. C'est aussi son pire film, c'est Inglourious Basterds, la scène du début. Où là, je trouve qu'effectivement, il y a un dialogue, il y a une tension entre, je ne sais plus comment il s'appelle, l'acteur allemand et le français. Christopher Waltz et Denis Ménochet. D'ailleurs, elle est grandiose, cette scène, mais il y a grandiose. Quelque chose, tu vois. Mais... Attends, le Cuxus Clan dans The oui, Revenge, c'est rigolo. Quoi, non, on va c'est parler rigolo, de ses autres films. Mais c'est pas... Attends, il a des scènes cultes. Bah, je ne sais pas si elles sont cultes. Moi, en tout cas, pas chez moi, tu vois. Moi, Si, c'est culte, hein. Pour moi, il a plein de films, il a plein de scènes. Je veux dire, dans Kill Bill, tout le monde connaît la scène où elle massacre tout le monde. Après, on peut ne pas l'aimer, mais mine de rien, il a marqué le cinéma. Tu montes cette scène, tout le monde sait, même les gens qui n'ont pas vu Kill Bill, ils sont capables de dire que Kill Bill. Je suis pas sûr. Alors là, je pense que Si, parce qu'il y a, la tenue jaune. J'ai jamais aimé Kill Bill, hein, donc, mais je reconnais qu'il est connu, quoi, le film. Il y a beaucoup de sadisme dans ses films. Alors est-ce que... Oui, mais là, il démarre avec la torture du mec, justement, quand il met la musique. C'est-à-dire qu'il est fait, il y a un effet cathartique sur nous, c'est-à-dire que ça nous défoule, ça nous... Ouais, il y a un côté un côté jubilatoire, ouais, dans le sens. Ouais. Tu sais que ça va péter, ça va être violent. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que les leviers sont pas, ouais, c'est pas qu'ils sont gros, mais. À l'époque, ils étaient pas gros. C'est son premier film. Faut replacer le contexte. Hein. Hormis la scène de où il y a de la musique et il y a la scène entre guillemets de torture, parce que je pense qu'on a quand même vu bien pire. Enfin, c'est pas si violent. Enfin, je sais pas, comme quand ils se tirent c'est dessus soft. Les trois, là, j'ai juste trouvé ça ridicule, en fait. Ah si, la scène de fin, c'est pareil, c'est un western, c'est la scène du, non, c'est la scène de fin où là ils tirent. Où ils sont tous les trois, où ils se tuent. Je crois que ça s'appelle un duel mexicain. C'est John Woo, hein. C'est pas ouf. Elle est pas ouf cette scène, je suis d'accord. Me plaît bien. Il y a une tension qui se crée entre tous les personnages. Du coup, chacun vise un autre et dans la plupart des cas, il en reste. Là, ils se butent tous, quoi. Bah, après, moi, ce que j'aime bien, c'est la façon de créer la tension. Je pense forcément, bon, la brute et le truand, quand ils sont dans le cimetière, c'est quand même à un autre niveau, tu vois. Ah, c'est pas pareil, attends, tu peux pas comparer. C'est un premier film, donc oui, c'est sûr que si tu compares à Sergio Leone et tu compares aux autres Tarantino, même si toi tu les aimes pas, tu te dis, ah, oh, le film il est pas grandiose, mais tu remets, c'est le premier film. Je veux dire, tu prends les premiers films de tous les réalisateurs. Regarde quand on avait fait la rétrospective Nolan avec tu sais le mec où il le suit l'autre là, il fait le court métrage Following. Et ben c'est pareil, tu te dis, tu vois le film après. Moi je vais bien, mais ça me faisait penser à rien quand je l'ai vu ce film. Là tu repenses à chaque fois à d'autres scènes de cinéma. Moi j'en reviens à ce que tu parles de tension, mais la scène des trois là. Alors, je pense que j'ai un vrai problème avec le personnage du fils que je trouve assez ridicule et du coup. Moi, j'arrive plus à avoir de l'attention, en fait, avec ce personnage qui serait presque... Je le trouve presque comique, mais comique malgré lui. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on veut en faire. Je trouve que c'est ce qui ressort de lui. Si on pense à la série Gomorrah, où il y avait une histoire père-fils aussi, avec un fils qui avait un peu de mal à arriver au niveau de son père, je sais pas, c'était autre chose en termes de tension que ça, quoi. Enfin... Ouais, j'ai pas dit que c'était le meilleur rôle, lui. Ouais, à la rigueur, je te rejoins. Je trouve pas que ça soit le meilleur personnage, quoi. Ah, mais il y a plein de défauts, encore une fois. C'est son premier film. Ouais. Par contre, je trouve qu'il y a des choses que tu ne trouvais pas beaucoup dans le cinéma avant, voire pas du tout. C'est la façon de construire, la façon qu'il a de construire, alors d'amener l'attention en te comptant le film de manière non linéaire dans le temps, en contrant les éléments de manière pas dans le bon ordre chronologique. C'est quand même une patte de Tarantino parce qu'il le fait dans à peu près tous ses films. Ouais. T'as cette tension qui est amenée par ces différents éléments et cette construction des personnages qui est fait un peu de manière non chronologique. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui marche quand même super bien, que derrière, tu vas voir, que lui, il va refaire dans pas mal d'autres films, et c'est quelque chose que tu n'avais quasiment jamais avant au cinéma, et que tu as de plus en plus maintenant au cinéma. Enfin, en tout cas, moi, dans la vie que j'ai, après, il y a peut-être quelques films qui l'ont fait avant, mais ça existait très peu. Et maintenant, je trouve qu'on le voit souvent. Il faut revoir Kurosawa, là. Ouais, là je pense que tu as une culture de ciné qui est très limitée. Enfin, bah, oui, je ne regarde pas des films des années 50. Tu l'as peut-être jamais vu avant. Je ne pense pas, vu que Tarantino pompe tout le monde et qu'il le dit ouvertement. Je pense que c'est des figures de style qui se trouvent ailleurs. Sûrement, mais il l'a démocratisé. Ah oui. Oui. Comme tu te dis, un iPhone, ok, un iPhone c'est trop bien, c'est nouveau. Non, je te dis, c'est pas le premier téléphone qui est sorti, mais c'est ce qui a démocratisé. Oui, oui. Et pour Tarantino, il y a plein de choses, je trouve qu'il a démocratisé dans le cinéma. Ouais, puis je suis d'accord avec Pierre, parce que quand on revenait avant 92, alors oui, il y a quelques pépites, oui, forcément, puisqu'il nous reste que cela. Donc forcément, en 92, on est capable de dire, ah oui, il y avait tel film et tel film qui était sorti, c'est sûr. Mais globalement. Et combien il y en a eu après ? Franchement, c'est ça, c'est plutôt que. Entre quelques films avant qui... C'est toujours les mêmes qu'on cite. Lui, Tarantino, quand même, à cette époque-là, il y a aussi plein de merdes qui sortent dans ce style parce que ça reste un film malgré tout un peu populaire. Il a amené son style et il a influencé d'autres réalisateurs. Quoi. Ça se veut un peu branché, son cinéma. Il ne s'en rend pas compte, mais il... Bah maintenant, parce qu'à l'époque, sur son premier film, je pense pas. Pulp Fiction, depuis c'était Palme déjà d'or, le cas. Hein, oui, Palme mais c'est Pulp Fiction c'est ça, qui a créé ça. Là, c'était avant. C'est le deuxième film. Ah oui, mais là... Oui. C'est la scène où il fait le générique, là, ils marchent tous au ralenti. Il y a ce côté... Il y a ce côté, on magnifie les méchants, enfin, les gangsters. Ouais, alors c'est vrai qu'il a... La marge, elle est un peu... voilà, c'est les gens intéressants, c'est les gens qui sont hors système, qui sont pas lisses, Je dirais même plus, il essaye même de faire passer, je trouve, les gens, enfin, il magnifie des gens qui sont presque, enfin, qu'il essaye de te faire passer comme des gens normaux, entre guillemets. C'est des chiens. La façon dont ils ont, enfin, selon les discussions qu'ils ont, notamment. Ouais. Reservoir Dogs, ça parle de quoi? Le film, il parle de quoi? D'un braquage qui a mal tourné. Bah ouais, d'un braquage qui a mal tourné, mais tu sais pas pourquoi. Il parle d'une ellipse, parce que le braquage, on le voit pas. Non? Il parle de quelque chose qu'on voit pas. Alors, effectivement, c'est malin, parce qu'on le voit pas, donc... Mais tu le vois jamais, c'est ça qui est sympa. Voilà, tu le vois pas. C'est ça qui est nouveau aussi. Mais oui. Que tu parles de tous les à côté, en fait, à propos d'un braquage, sauf que tu vois toutes les scènes autour, sauf le braquage. Tu vois la préparation, tu vois l'avant, l'après. Tu vois les angles, les résultats du braquage, mais effectivement, tu vois pas le. C'est un puzzle et il te donne quelques pièces et à la fin, tu les as même pas toutes les pièces. C'est-à-dire que t'as pas tout vu. Mais c'est pas un puzzle. Ouais, c'est un puzzle à deux pièces alors. Bah non, t'as 400 pièces quand même. C'est un puzzle pour les trois pas de patrouille, toi, niveau pas de patrouille. Du coup, ça reste un puzzle. Bah oui. On a pas dit que c'était un puzzle à 10 000 pièces. Tu as raison. J'ai pas dit que c'était un 1000 pièces, hein. En fait, les personnages, ils ont une identité et en même temps, on a du mal à s'attacher à eux parce que finalement, leur histoire, on l'a peut-être l'histoire du flic infiltré. Mais moi, c'est celui que j'aime le moins, alors que théoriquement, entre guillemets, c'est le gentil, quoi. Mais je trouve qu'en fait, il te fait aimer les mauvais personnages. Moi, j'adore. Moi, je suis déçu quand il y en a quand il meurt, là, Denis. Il y a tellement de personnages que du coup, il a pas le temps de leur. Il est obligé de. Mais t'as l'impression de les connaître pourtant. Oui, mais parce qu'ils sont très caricaturales. Ils sont très. Mais c'est vrai, il y en a trop, je pense. Trop pour les développer en une heure. Moi, je suis frustré. Le film me frustre, en fait. Mais c'est ça qui est bien. Au contraire. J'aurais même aimé que le film soit encore plus court. Et juste effectivement avoir le résultat de ce braquage sans savoir pourquoi ils se sont retrouvés, parce qu'il y en a qui est sorti de prison, tout ça au final, moi tout ce qui les lie, je m'en fous. En fait, toutes les scènes qui sont dans le bureau du père, là, je trouve qu'elles servent à rien. Et le film, il est uniquement dans le garage où tu sais que le truc a foiré, tu sais qu'il y a un traître. Voilà, ça, moi, ça me suffit. T'es obligé d'avoir un peu de contexte autour pour amener la notion du traître, notamment la partie, je pense, de présentation du flic, même si c'est pas ce qui est le plus intéressant. Enfin, même si, moi, je trouvais un passage bien dans cette partie-là. T'es obligé de l'avoir, je pense. C'est le crime organisé, donc forcément, il y a ce côté un peu... T'as aussi l'organisation du flic. Je pense que t'es obligé d'avoir un peu de contexte autour. Alors oui, t'aurais pu enlever une ou deux scènes, notamment la scène du gars qui sort de prison, qui a besoin d'un boulot. On s'en fout, ça. C'est pour t'expliquer que l'autre, il est sûr que c'est pas lui. Ouais, le contexte qui fait que le fils, il sait que c'est pas lui, par exemple. Bah, et encore. Au début, tu sais pas trop, hein. T'as quand même une grande partie du film où. Non, mais tu sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas non plus le suspense du film. Un mec qui sort de prison, tu pourrais te dire, il bosse pour les flics maintenant parce qu'il a été sorti de prison, je ne sais pas, ou ce que tu veux, et les flics l'ont engagé maintenant qu'ils l'ont fait sortir de prison. Ça pourrait être lui, enfin, t'en sais rien que c'est pas lui. Mais je trouve que, de toute manière, le flic, presque pour moi, on sait trop tôt qui c'est. On sait trop tôt de façon certaine. Est-ce que c'est possible? Moi, j'aimerais bien, si vous le voulez. On prend chaque personnage en disant leur couleur, ce qu'ils font, l'acteur, et on parle de chaque personnage pour voir à peu près si on a compris les mêmes choses, les mêmes. On y sera encore demain. Non, mais on peut commencer peut-être par le réalisateur. Il a pas de rôle. Il pilote la voiture. Il a le meilleur rôle. Il est au début. C'est lui qui introduit le film. Quoi, c'est lui qui raconte. Mais il raconte la blague, l'histoire quand il est à table, quand il parle de Madonna. Ouais. Et eh ben il se fait son petit kiff quand même, il se fait son petit. Oui, bon, il disparaît assez rapidement. C'est un personnage qui sert à rien, t'es d'accord, hein. C'est un personnage qui sert à rien. Cette scène de restaurant, elle est trop longue, c'est pareil. Non, moi je l'ai aimé. Moi je l'ai bien aimé cette scène. C'est la scène que j'ai bien aimé. Ouais, moi je trouve que c'est une scène forte, justement le film il te pond, il te met dans l'ambiance, t'as la caméra qui tourne. Moi j'ai aimé la façon dont justement on sait même plus faire des scènes comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui on te fait un champ contre champ, nanana, c'est tout nul. Oui, là, attends, je suis désolé. Alors après, elle apporte pas beaucoup de choses, mais je trouve qu'elle est. Moi, ouais, je sais pas, moi j'ai aimé ce style. Elle te présente un peu les personnages, notamment celui de Buscemi, de Steve Buscemi, là où ça te montre un peu son côté une tête de con. Oui. Hein. C'est terrible, hein, parce que je crois qu'il peut. Enfin, je sais pas s'il peut jouer autre chose. C'est lui qui joue dans Les Ailes de l'Enfer, non? Ça tourne à Manhattan. Le psychopathe dans Les Ailes de l'Enfer. Ah ouais. Il a une gueule, lui aussi. Il jouait pas dans Armageddon aussi? Oui, Armageddon. Ouais. Des super spectateurs. Non, et je sais pas, Mou. Ouais, Mou, il y a pas un truc tout à l'heure, on en discutait, mais en off. Ce qui est quand même marrant, c'est que le flic, quand tu découvres qui lui a tiré dessus et dans la circonstance, je trouve ça assez génial, moi. C'est-à-dire que tu t'imagines le truc, alors, c'est le braquage. Un truc américain, par contre. Hein. Non, mais ça me un fait rire. Oui, pas non, dans mais... pays. Ah, quoi qu'en France, à Grenoble, ça peut arriver hein, que tu veuilles piquer une bagnole, le mec sort un flingue. Ouais, alors, un mec, mais là, c'est une ah, oui. femme de la quarantaine, mère de famille, ce que tu veux. Oui. Enfin, c'est une femme oui. lambda de 40 ans, on va dire, à peu près, qui sort un flingue de sa poche. Non, mais je suis même qu'elle a sur elle le flingue, quoi. Mais je suis d'accord, mais ce qui est marrant, il n'y a que des mecs. T'imagines le mec qui devait se faire trahir, tu te dis, ça se trouve, ils se sont tirés dessus, qui a trahi, qui a compris que le flic les avait trahis, nanana. Et en fait, quand t'as la résolution, c'est une fille qui leur tire dessus, qui fait, je veux dire, voilà, elle le fait même pas exprès. Qui a rien à voir dans l'histoire. Et moi, je trouve que, entre guillemets, la chute, elle est assez... Enfin, moi, elle m'a fait rigoler, j'ai pas rigolé, genre, c'est le film humour, mais j'ai trouvé le sympathique... La chute. Bah, c'est un contre-pied, c'est un peu un bon contre-pied en fait par rapport à ce que mais tu t'attends ça. Quoi quand tu regardes. C'est ça. Moi je trouve ça excellent cette ouais. idée. Moi de je dire m'attendais. Que... Franchement c'était, enfin les enjeux au niveau qu'il soit fait tirer dessus, balle perdue machin. Si, parce que c'est pas important mais t'as envie de savoir en fait. Mais c'est... oui. Non, c'est entre guillemets c'est des méchants. Les méchants bah ils se font tirer dessus par les gentils machin ou oui des... mais tu t'attendais à ça toi. C'est pas moi les enjeux ils sont pas. Non mais tu t'attendais c'est juste en prenant une bagnole la fille elle leur tire dessus. Je m'en contrefous vraiment. Oh, enfin, bah, ça, aucune... mais moi, ça m'a. Moi, ça aurait j'ai pu... bien aimé. Il aurait pu se tirer une balle sur lui-même et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Quoi. Non, mais oui, j'ai ça t'intéresse. Bien pas, aimé, mais j'ai bien aimé le fait que ça soit un truc auquel je m'attendais pas du tout. Mais j'ai quand même pas du tout aimé le fait que. Alors, je suis désolé du stéréotype, que ce soit quand même une femme de 40 ans qui a un flingue dans la main, qu'on essaie de lui piquer la bagnole et lui tire si, sur le mec. Votez républicain. Votez républicain. Bah, je sais pas, c'est juste ça qui m'a gêné en fait. Oui, c'est sûr. Non, mais alors, ça, je suis d'accord que le message que ça fait passer, il est discutable. Mais ça m'a fait sourire malgré tout, quoi. Je crois pas qu'il soit démocrate, hein, Tarantino. C'est pour ça que j'ai dit c'est républicain le fait de s'armer. Bah, je sais pas, Tarantino, quand tu regardes d'autres de ses films derrière, il est quand même assez ouvert comme mec en fait. Enfin, il est tout sauf raciste. En fait j'en sais rien. Je presque, sais pas. Presque féministe. J'ai eu un peu peur. J'en sais en rien. Parlant de ça, sur une des blagues là, dans la première scène, je me suis dit dans les 5 premières minutes, la blague raciste, je me suis dit oulala, où est-ce qu'on va ? Attends, c'est quoi déjà ? Finalement. Ça m'échappe. Oh, c'est une blague sur les juifs là, je sais pas. Putain, quoi. Je me souviens plus. Mais c'était pas raciste. Ouais. t'as le sexisme sur Madonna et tout. Ouais, t'as... Ouais, je pense si tu regardes Inglourious Bastard et l'autre après là. Django ? Non, Django, il est pas raciste, Tarantino. Non, mais je dis pas qu'il l'est, mais si tu veux, dans les 5 premières minutes du film, je dis oulala, où on va ? Et puis après, en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est... Non, mais ce qui est marrant quand même, c'est que c'est le braquage qui tourne mal, et finalement, ce qui fait vraiment tout vriller, c'est une femme qui. T'as les gros durs à cuire, et finalement, en tirant sur en plus le flic. Et bah, en plus, moi, il me fait rire parce qu'il est dans la voiture après et tout. Non, je trouve que moi, je sais pas, le twist. Moi, je l'ai trouvé sympathique. Bien, moi aussi. C'est le seul qui est gentil qui se fait tirer dessus. Mais en fait, il est gentil, mais moi, c'est celui que j'aime pas dans le film. Hein. Moi, je préfère les méchants dans les films de Tarantino, et ça, je trouve ça génial. Dans Django, ouais, je veux dire, DiCaprio, il est excellent. Dans Inglourious Bastard, je suis désolé, mais c'est Christopher Waltz qui est génial. Ouais, et alors, dans Django, c'est aussi Christopher Waltz qui est génial, je trouve. Alors oui, mais il a un plus petit rôle. Mais il est génial, mais finalement, il meurt assez vite. Mais il a un petit rôle qui est sympa, je suis d'accord. Mais c'est pas un gentil non plus. Il est quand même... c'est un gentil, gris, mais... Il est gris, quoi. Il est pas ouais, tout noir, tout blanc, il est gris. Il est pas tout noir, c'est le renégat, pratiquement. Enfin, le mec, il... Donc, ouais, je sais pas, moi, je trouve qu'il met bien en scène les... En gros, les méchants. Enfin, il te met plus. T'as quand même beaucoup de films où il te met en avant les méchants. Alors, il fait pas que ça. Il y a quand même des films où il y a des gentils, entre guillemets, qui sont mis en avant. Mais tu regardes celui-là, tu regardes Pulp Fiction. Ah oui, Pulp Fiction, même si je l'aime pas, il met en avant les méchants, quoi. Moi, généralement, quand tu fais des films de gangsters, tu mets rarement des gentils en avant. Hein. C'est le principe du gangster. À la base, c'est pas quelqu'un de gentil. Hein. Pierre, tu disais ? Je disais le personnage de Tarantino, de Travolta dans Pulp Fiction. Il a le même nom et il y a plein de trucs sur internet comme quoi en fait c'est le frère de celui qui danse et qui torture là dans Reservoir Dogs. D'ailleurs il a un et peu le style coupe de cheveux. Hein. C'est le même nom. Donc ouais il a presque une sorte de coupe de cheveux un peu proche. Donc en fait ouais, il ouais. a presque un univers Tarantino où des fois t'as des personnages qui te retrouvent dans le film. Après le Marvel truc univers. Moi, je propose un film où il y a un truc quantique. Il y a une machine où on fait un multivers, Spider-Man, truc, et là, on fait rencontrer les gens de Tarantino. Ça va être une grosse bouse. Bah, le problème, ça va être génial. C'est que tous les personnages, ils meurent. Tu sais, tu peux le faire, toi. Attends, tu peux le faire, ça. Tu prends tous les fichiers, tu les télécharges, les films, puis tu te fais un montage parallèle. Hein. Ouais. Tu racontes une histoire à la con, mais juste avec les films. Des fois, il y en a qui font ça, ils appellent ça des mash-ups. Des fois, ça marche bien. Alors oui, tu racontes une histoire très sommaire, toi, parce que des fois, c'est juste un mec qui va prendre une bagnole, qui va prendre les clés de sa voiture, et tu fais un peu à la... Alors là, c'était le niveau high level, la classe américaine. Mais tu prends les fichiers, puis tu bidouilles un truc chez toi. Mmh. Hein. On va faire ça, on va faire une production. Tu fais des films qui se répondent. Des fois, ça marche bien. Hein. T'as des jolis carambolages. Enfin, donc, bon, on commence à avoir bien un peu expliqué le film. Il va falloir arriver à une petite scène un peu marquante quand même. On a déjà cité pas mal. On a cité pas mal, mais maintenant, il faut en retenir qu'une, hein, c'est le jeu. Sylvia, tu l'as presque dit. Allez, confirme-nous ta scène marquante. Alors, en positif, c'est le début du film. Alors, c'est peut-être aussi en positif parce que c'est le début du film et que j'étais pas encore au stade de « Mon Dieu, quand est-ce que ça se termine ?» Et en négatif, c'est la fameuse tuerie des trois que je trouve ridicule. Le duel mexicain. D'accord. Et après, j'ai bien aimé la musique sur la scène de danse et je trouve qu'il n'y en a finalement pas tant que ça dans ce film. C'est con, parce que l'autre, s'il a l'oreille arrachée, il n'entend plus après. Arnaud, tiens. La scène que j'ai bien aimée. Ouais, enfin marquante, après, positif ou négatif, mais un peu marquante, quoi. C'est finalement Hervé Kettel qui s'attache à Tim Ross. Quand il est en train de mourir, le fait qu'il n'arrive pas à croire qu'il soit flic, et quand il est dans ses bras, je sais pas, il y avait j'ai ressenti de l'émotion. Enfin, le fait, il s'était attaché à lui, pourtant il ne se connaissait pas depuis longtemps, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y avait une forme de confiance, et ça m'a ému, je m'étais surpris d'être ému par ça. Allez, Antoine, une scène marquante. Alors moi, là, comme j'avais déjà vu le film, la seule scène qui me restait, c'est la scène de la danse avec le découpage de l'oreille. Et je reste une fois, j'avais déjà dit que dans les films, les scènes de danse, ça amène un truc, en fait. C'est marrant, hein, mais il faudrait faire un jour une analyse des scènes de danse au cinéma. Je trouve que ça marche toujours, les scènes de danse, et là, même si c'est très glauque. Et alors, par contre, le pire des plans que j'ai pu voir... Et alors, on parlait de premier film, mais c'est vrai qu'aucun de nous n'a cité Citizen Kane, je pense, peut-être, soit par oubli, soit par pudeur. Mais il y avait un truc dans Citizen Kane, il y avait une technique qu'il utilisait des caméras. Je ne sais pas comment il se débrouillait, mais il était capable d'avoir le premier plan et l'arrière-plan net. Alors que généralement, quand on a le premier plan net, l'arrière-plan est flou, et l'inverse, quand l'arrière-plan est net, le premier plan est flou. Et là, à un moment, il y a une scène de dialogue entre les deux flics, celui qui s'est fait couper l'oreille et celui qui pisse le sang. Et je pense que Tarantino n'avait pas la caméra adéquate. Et en fait... On voit que l'image est coupée en deux, en fait, donc il a dû poser la caméra sur un trépied. Il a fait la scène avec celui qui est en premier plan, donc l'arrière-plan est flou, et après, hop, l'autre il est dégagé du plan. Ils ont remis celui qui était dans sa flaque de sang et ils ont fait une mise au point sur l'arrière-plan. Et après, au montage, ils ont coupé l'image à gauche et à droite et ils ont assemblé ça, mais grossièrement, et c'est moche! Parce que ça fait vraiment... on sent... J'ai pas fait gaffe. Ah non, mais c'est la scène, je sais pas si vous avez le fichier, je sais pas comment vous l'avez vu. Mais regarde ça, c'est la scène où c'est une scène qui est très courte, hein, parce que c'est quand ils se causent, je crois que c'est là où il dit c'est là, c'est moi qui suis infiltré. Et en fait, il y a à la fois le premier plan et l'arrière-plan qui sont nets. C'est à la fin, du coup. Ouais, donc c'est la dernière scène en fait. Bah non, parce que le flic il est encore vivant, donc c'est un peu avant. Il y a deux flics en fait, il y en a un infiltré, hein, qui est pas infiltré. Ouais, il y en a un infiltré. Ah oui, le flic pas infiltré. Ah oui, d'accord, ok, non, d'accord, je regarderai, ok. Ah oui, c'est du coup on a envie de revoir le film, hein, hein Sylvia. Moi je vais rejoindre Sylvia, la scène d'intro, moi elle m'a mis direct dans le film, j'ai fait ah putain j'aime bien, c'est filmé, la caméra elle tourne, les acteurs, tu vois un peu le style, ça t'évite un générique, tu vois les gens qui tournent, j'aime bien la façon de présenter les persos. Ah non, ça t'évite pas un générique, hein. Le générique il est là. Hein. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est une façon de présenter les persos, tu démarres par une scène de dialogue dans un repas où tu tournes autour. T'es pas obligé de... Enfin, moi, je sais pas, je trouve que c'est bien. Puis voilà, c'est ma scène marquante. Après, il y a plein de scènes que j'ai bien aimées, mais elles sont pas plus marquantes que ça. Et toi, Pierre ? Alors, il y a une que j'ai pas aimée, c'est ce que j'ai déjà dit, là. C'est quand, justement, le fait que ce soit une... Enfin, sur le fait de voir qui tu tires sur le flic infiltré, ça, j'ai à la fois aimé voir que c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais j'ai à la fois pas non plus aimé qui c'était. et pourquoi c'était cette personne-là. Et j'ai pas trop non plus aimé, ce que Sylvia a déjà dit, la scène du duel mexicain. Là, en effet, alors, autant la tension qu'il y avait, ça allait, mais la façon dont il se tire vraiment dessus, vraiment la réalisation de la scène, comment il tombe, comment il tire et tout ça, je trouve que ça fait pas du tout crédible, mais vraiment pas du tout. Donc cette scène-là m'a un peu ça fait déçu. Presque cartoon. En fait, il n'y a aucun suspense en plus dans cette scène, parce qu'elle est tellement rapide que le temps que tu analyses les enjeux, en trois plans, ils se sont tirés dessus, tu vois, ah bon, ça y est, ils sont morts, bon, bah tant pis, allez, on passe au. Ils sont morts, même pas, mais voilà, j'étais déçu sur ce scène aussi. Et moi, il y a une scène qu'on n'a pas trop parlé, enfin une scène, une partie qu'on n'a pas trop parlé, mais j'ai bien aimé, c'est quand on suit le flic infiltré. Quand il se prépare au braquage avec son chef flic et tout, quand il apprend cette anecdote qu'il va raconter aux autres de la bande, je sais pas pourquoi, j'ai bien Quand aimé il ce passage pisse là en et qu'il fait. écoute les autres? Ouais, quand il est au chiottes et qu'il croise trois flics Ouais. avec un chien et Avec tout, le là, chien là, ouais. ouais. Et quand il, en fait, cette scène-là, il l'a inventée, la façon dont il apprend à la raconter, tout ce petit passage-là, moi j'ai bien aimé. Voilà, pour le coup, j'ai Bah, trouvé il y a un côté je trouve ça presque original. il y a alors vous allez dire genre les grands mots, mais il y a presque un côté usual suspect en fait. Le mec, il enregistre, il récupère, il s'approprie un truc et puis il C'est le ça. ressort. C'est vrai que cette scène est pas mal. Parce que je sais plus si c'est Antoine ou Sylvia, je les rejoins, je trouve que quand même les autres scènes qui sont en parallèle ou je les trouve moins intéressantes, c'est-à-dire celles où on voit chez le père, celles enfin toutes les autres scènes qui sont pas dans le garage. Je trouve qu'elles font un peu baisser le rythme. Il n'y a que cette scène-là que j'ai trouvée qui apportait vraiment à l'univers, enfin à l'univers au film. Moi, je me demandais si des fois ces scènes extérieures, elles n'étaient pas rajoutées pour faire un long métrage et pour pas qu'ils basculent dans la catégorie moyen métrage, tu vois, en ayant un film trop court, toi. Ouais, mais t'as raison qu'il y a des scènes. Il aurait pu être plus court et le film n'aurait pas tant perdu que ça, je pense. Par exemple, la scène je repense à cette scène-là parce que j'en ai parlé, quand celui qui sort de prison, puis tu comprends qu'il est pote avec le fils, en fait, parce qu'il se chamaille comme des enfants, comme des cousins, comme un comme des grand copains qui se frère. retrouveraient après. Ouais, comme un grand frère, mais au final, qu'est-ce que ça raconte? Cette amitié, elle sert à rien dans le reste du Pour film. moi, c'est que le fils, du coup, il a aucun doute sur lui. C'est juste pour ça, je suis d'accord. Mais je pense que c'était le but, mais je pense que ça marche pas totalement. Enfin, moi, en effet, je me suis dit que ça apporte quoi à part montrer qu'il y a un lien avec entre ce personnage et la Voilà. famille. Et encore, je me suis dit, est-ce que ça ne montre pas ça pour m'induire en erreur sur le fait que c'est peut-être ce gars-là qui est infiltré? Parce qu'à ce moment-là, au moment où il y a cette scène, voire je sais plus si c'est avant, en tout cas, je trouve que ça n'a pas desservi ou servi le gars. Je crois que c'est quand même avant la scène où il se fait tirer dessus. Et moi, je ne crois pas que ce soit ça qui m'ait aidé enfin, qui m'ait validé le fait que c'était Ah pas mais lui, quoi. je dis pas que c'est pour nous. Je dis pas que c'est pour nous faire croire à nous. Ça peut pas être lui. Je dis que ça explique pourquoi le fils, il est sûr lui que c'est pas lui. Après, ça veut pas dire qu'il a raison. Mais ça explique Et tu sa vois, position à lui en fait. une autre scène que j'ai pas compris à quoi elle servait, c'est quand à un moment, le flic infiltré, il se fait appeler, les mecs qui sont en bas dans la rue. Et il est chez lui en fait, il est dans son appartement infiltré, et il va pour sortir, et là il y a une espèce de, sur la table, un petit bocal avec des pièces en argent, où il fouille dedans et il veut récupérer une alliance. Et là il y a un gros plan sur l'alliance, tu vois. Je me dis, mais ok, s'il y a ce gros plan-là, si tu nous montres cette alliance, c'est que plus tard, hein, je veux pas dire le fusil de Tchekhov, mais ça doit servir quelque part. Non, je pense que c'est pour montrer qu'il a une femme, qu'il est infiltré Oui, et mais qu'il cache tout ça et que. dans la narration, est-ce qu'à un moment On il y a une scène de dialogue qui s'en nous. fout. Oui, on s'en On fout, s'en mais si on tape au s'en coup fout, qui ça veut arrive. dire, c'est bien ce que je veux dire, c'est que t'as pas à nous montrer un plan dont on s'en Ouais, mais alors tape. en même temps, il y a plein de films où quand tu vois un plan, comme tu dis, tu sais que ça va servir et je trouve ça. Là, moi, j'aime bien aussi les films où tu sais que c'est comme des problèmes de Ouais. maths où on te donne des données qui vont pas te servir dans la Tu vois, j'aurais résolution du bien aimé qu'il ait un problème. chien, puis on le voit, il allait faire pisser son chien, puis le temps tant qu'il n'y a pas la crotte, bah on attend, et puis Mais il y a la alors, ok, crotte. le gars, il pourrait exactement te montrer la monotonie d'un flic en planque, tu vois, effectivement, à faire pisser son chien. Il se fait chier, parce que Il mange les son flics en sandwich. planque se font chier. Mais je veux bien que tu vois qu'il te montre, voilà, le banal d'un Oui, mais flic, là, mais c'est même pas t'es de ça, quoi. mauvaise foi, Tu vois? Antoine, parce que dans ce cas-là, Non, je suis pas de si, mauvaise parce foi. que cet Non, argument, il y a. si, parce que cet argument, si tu veux, on l'enregistre, et il y a un jour un film où on peut revenir dans le Mais passé, bien où on va sûr, te mais bien ressortir, mais sûr. ça sert à rien. Mais je suis pas de mauvaise foi, Non, mais je suis pas de ce que je veux mauvaise dire, c'est foi. que. Non, mais c'est du climax. C'est-à-dire qu'il a pas oublié la bague, parce que s'il oublie la bague, il pouvait se faire choper. Mais sauf qu'il Mais on n'y a n'en pas sait d'enjeu, parce que rien, à après. aucun moment il y a Et d'explication. puis personne ne regarde sa main pour voir s'il a une bague ou pas. Juste là, C'est je trouve ça, que cet argument, il met c'est du que. climax là où il n'y a pas besoin, en fait. C'est ça. À l'inverse, tiens, un plan que j'ai aimé, pareil, où quand il coupe l'oreille, la caméra, elle se décale. Et il y a un plan qui reste longtemps sur le garage en fond de box, là, en fond de hangar. Et le plan, il reste longtemps, là. Et je me dis, si ton plan reste longtemps là, c'est que tu veux nous montrer quelque chose. C'est pas uniquement pour ne pas voir la violence, parce qu'après, l'oreille coupée, tu la vois. C'est de la fausse pudeur. C'est non, tout. Non, je crois pas. C'est qu'en fait, au-dessus de la porte, il y a écrit « Watch the head » ou « Attention à votre tête », en fait. Enfin, et ça, j'ai trouvé ça sympa, parce que le mec, il est en train de se faire taillader l'oreille, et il te montre un panneau « Attention, vous allez vous cogner la tête ». Et ça, j'ai trouvé que c'était, voilà, j'ai trouvé que c'était finement mené, tu vois. Mais genre au cinéma, on te montre un plan, c'est quelque chose qui doit servir. Si on te montre rien, c'est que c'est... Mais par contre, si t'es vraiment dans le film, pour moi, tu vois pas tout ça. C'est-à-dire que si tu commences à voir tous ces détails-là... Mais non, mais moi, c'est quand je vois tous ces détails-là que des fois, un film, je vais le revoir et me dire... Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qu'on fait quand on regarde quand on voit un film. Moi, je l'avais déjà vu, ce film, hein, donc je le connaissais un peu. J'avais oublié des choses, hein, loin de moi l'histoire de dire que je connaissais par cœur. Mais tu regardes un film une deuxième fois, une troisième fois, c'était la troisième fois que je le voyais, ce film-là, et ben tu regardes d'autres détails. Oui. Et c'est là où les détails, tu dis, ah bah tiens, ce plan, pourquoi il nous le montre ? S'il nous le montre, c'est que ça veut dire quelque chose. Mais je suis d'accord, mais c'est d'accord que tu le suranalyses. C'est pas de la mauvaise non, foi. Mais c'est pas, c'est... Mais je suranalyse pas, si. C'est un truc, ça fait la troisième fois que je le vois, bah ce oui, film, donc au bout d'un moment. Si, donc... toi, tu suranalyses pas un film que tu vois trois non, fois. C'est pas... Non, attends, attends, c'est pas... c'est... non, attends, attends, c'est suranalysé ou surinterprété ? Non, c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que le film, tu le prends dans son entièreté. En fait, quand t'adhères, tu passes plein de défauts. Quand t'adhères pas, tu les vois plus. Et quand tu revois un film, et d'ailleurs, des fois, c'est en positif ou en négatif, ça peut être dans les deux sens. Tu le surdécoupes et tu vois d'autres choses. Mais des fois, mais je veux dire, même des films que j'adore, j'aimerais bien des fois faire reset et les redécouvrir. Alors, par contre, moi, j'ai une pour Pierre. La prochaine fois que tu choisis un film, est-ce qu'il pourrait y avoir des rôles de femmes quand même ? Alors, si tu veux, on reste pour rester dans Tarantino. Non, non, mais attendez, je veux un vrai truc. Si tu veux regarder du Tarantino avec des rôles de femmes, regarde pas Kill Bill, regarde Jackie Brown plutôt, qui est son troisième film. Ah bah, celui-là, il est très bien. Il y a un très grand rôle de femme. Bah, je crois que dans Once Upon a Time in Hollywood, il y a c'est Marco Robbie, je crois. Ouais, alors elle a pas un grand rôle. Jackie Brown, je pense que c'est peut-être mon préféré de Tarantino. C'est l'héroïne, en fait. C'est l'héroïne. Oui, oui, c'est le seul qui est potable. Non, mais là, je parlais pas de Tarantino, je parlais de tes futurs choix de films dans ce podcast. Bon, alors, l'heure est à la notation, les jeunes. L'heure est grave. Ta-ta-ta-ta. Alors, sur quel type d'écran conseilleriez-vous, c'est dur à dire, de regarder Reservoir Dogs ou Les Enragés ? Sur une montre, pour moi. Arnaud, sur une montre ? Sur une montre. Connectée, ouais. D'accord ? Une montre connectée. Donc c'est... Avec les sous-titres sans le son. C'est petit, donc c'est pas une grosse recommandation. C'est mignon, c'est comme le film, c'est petit, c'est mignon. Moi, je pense qu'à la télé, c'est un bon truc à voir. Un petit film d'un soir, là, de se poser devant l'écran. Un bon film de télé. Antoine. Moi, je conseillerais de le voir au ciné, parce que je me dis, parce qu'effectivement, même si j'ai beaucoup critiqué, moi, il y a un truc que j'ai aimé, qu'effectivement, on voit pas beaucoup dans les films récents, où c'est que quand ils parlent, les plans durent super longtemps. Donc, c'est ce côté aussi qui donne un peu le côté théâtre au film, c'est que c'est pas surcoupé, c'est pas, ils sont capables de faire plusieurs phrases sans qu'il y ait des plans de coupe. Voilà, ça c'est le point fort du film. Ok, Sylvia ? Alors, moi je vais dire sur une tablette et pas sur un téléphone, parce que ça blablate quand même beaucoup. Et si on le regarde en VO, il faut pouvoir lire les sous-titres, ou sinon il faut le regarder avec de la VF. Effectivement, si on n'est pas à l'aise avec la langue, avec l'anglais, je conseillerais de le regarder. Moi, je le regarde en VF. Parce qu'effectivement, si on veut se concentrer sur les images... Ça bouge pas énormément quand même. Hein. Ouais, mais bon, ouais. C'est quand même... Moi, je trouve qu'il se comprend assez bien en VO, j'ai pas eu de difficulté. Ouais, mais vous avez un bon niveau d'anglais, mais moi qui... Ouais, mais il y a des fois des films qui malgré tout me mettent en difficulté. Hein, parce que moi, je mets pas de sous-titres. Donc, comme ça, j'ai pas les yeux qui... Et celui-là, il se comprend assez bien, franchement. J'avais plus peur que ça. Il y a des films, des fois, qui sont un peu flippants. Ok. Et Pierre ? Moi, je dirais en Blu-ray 4K. Je pense pas qu'il y ait besoin. Je pense, ouais, Blu-ray quoi, si tu veux. Ah ouais. Non, mais pourquoi pas ? T'as le droit de mettre la petite étoile qui vaut un peu Blu-ray, plus. Hein. Blu-ray 4K, c'est B+, quoi. parce que, alors, je dirais que c'est pas un grand spectacle. Enfin, je pense pas que ça nécessite de le voir forcément au cinéma, dans le sens où c'est pas un grand spectacle, c'est plutôt du théâtral. Mais par contre, faut quand même le voir en bonne qualité d'image. Pour apprécier un film, c'est toujours mieux. Et en plus, je pense, sur un Blu-ray 4K, t'as plein de bonus sur Tarantino, sur tous ces autres films, sur des trucs, des machins. Donc c'est pour ça que... Non, mais moi je l'ai vu. Alors moi je l'ai chopé à la bibliothèque. J'ai un DVD avec trois disques. Il y a juste deux formats d'images. Une grande et puis une format un peu carré. Alors moi j'ai regardé en format ciné. Et après j'ai un troisième disque de bonus, mais je ne l'ai pas regardé. Ah, il a deux formats différents. Mais il y a deux formats d'images, il y a deux ratios. Il y a du scope et du 4 tiers. Parce que je sais que sur le western, les salopards, là, il avait fait avec un format spécial pour des plans larges. Je ne sais plus en combien il était, 21 neuvième ou je ne sais plus combien. Il avait. Bon, après. C'était Cinémascope. Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu. Je crois que c'est ça, je crois qu'il y a Cinémascope et je ne sais plus ce que c'est l'autre. Il se la jouait un peu à l'époque. Oui, il avait lui refaire un peu comme dans le 70 mm. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que j'avais entendu. Et bon, après, j'ai pas trouvé à l'écran que ça amenait non plus. T'avais un peu plus, oui. Non, mais il faut la salle, en fait. Il faut l'écran. Oui, il faut en plus, t'as raison. Il faut une salle adaptée. Mais, il faut la géode, quoi. Mais il aime bien jouer avec les formats d'image, quand même. D'ailleurs, vous avez vu, là, vous en foutez peut-être, mais il a tué son personnage, pour information, pour la petite anecdote. Il a tué le personnage de DiCaprio de Once Upon a Time. Qui jouait un acteur. C'est-à-dire que c'est marrant, il avait fait vivre à travers des nouvelles sur le personnage de son film. Ça n'a rien à voir. Hein. Je dis ça parce que j'ai entendu l'anecdote cette semaine. Dans le livre qu'il a sorti. Ok. Ouais. Bon, voilà, c'est marrant. C'est que je pense qu'il s'ennuie un peu. Un livre du film, c'est ça. Ouais. Bon, je pense qu'il s'amuse en fait, Tarantino. Je pense que c'est un mec qui s'amuse. Après, là où je te rejoins, Antoine, avec l'histoire de son dernier film, j'ai l'impression qu'il joue la diva en disant ah non, pitié, il faut pas que ça soit votre dernier film. Comme tous les artistes qui font leur dernière tournée. Oui, c'est ça. Pitié, à chaque fois qu'il vient en France, il se fait recevoir par tout le monde en côté diva. Par contre, c'est quand même un passionné de cinéma. Et à Lyon, c'est un passionné de cinéma français même. Quand même, un mec, on peut pas lui reprocher de pas aimer le média. Après, oui, il joue un peu sa star, sa diva, mais quand même, c'est un passionné du domaine, quoi. Et aujourd'hui, on est quand même dans un monde où Hollywood sort quand même des films. C'est un cinéphore, ouais, c'est clair. Faut lui reconnaître. Après, moi, j'aime pas tous ses films. C'est un vidéophage, on peut dire. Ouais, c'est un mec, je pense qu'il fait du bien au cinéma, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en fait. Mais il a eu le mérite de faire ressortir peut-être des. Ouais, je sais pas, la Blaxploitation pour. Avec Pam Grier dans. Jackie Brown. Ouais, Jackie Brown, enfin voilà. Des fois, il sort des vieux acteurs du placard, il leur fait du bien. Ouais, effectivement. Puis ils sont pas si nombreux les gens où tu te dis, tiens, je vais voir un film parce que c'est un tel qui l'a réalisé. Je veux dire, toi Antoine, tu vas voir Dolan par exemple, moi Nolan, Spielberg. Dolan, j'en suis revenu aussi, enfin tu vois, je veux dire, j'ai vu ces derniers, ça m'a un peu. Non, gagné, mais quand même, oui, mais. J'ai même pas vu son dernier importe. D'ailleurs. Oui, époque. Mais il y a quand même, il y a plein de films. C'est une série en fait, sondage. Moi, la plupart des films oui, que je vais voir, je sais même pas qui est le réalisateur. En fait, tu sais pas. Tu y vas parce que la tête d'affiche, elle oui, te parce plaît. Que c'est ou... pas que, c'est pas que. Moi, je vais plus voir des films sur les acteurs au final. Enfin non, ça dépend en fait. C'est un rare réalisateur où tu retiens le nom et tu sais que tu vas voir le film parce que c'est. Enfin, si tu aimes ça, tu vas voir le film parce que c'est Tarantino en fait. Bah comme Spielberg. Par rapport à beaucoup de réalisateurs qui tombent dans l'oubli quoi. Spielberg, je suis pas un fan de tous ses films, mais tu dis ah tiens, je vais voir le dernier Spielberg, je vais voir le dernier Tarantino, je vais voir le dernier Cameron. Enfin je sais pas, je trouve que ça fait partie des noms. Et lui, mine de rien, Spielberg, je sais pas combien il a de films à son actif. Tarantino, t'as l'impression qu'il a une filmo de ouf. Ah en fait, il a pas non plus fait 500 000 films quoi. Et puis c'est pas tous des chefs-d'œuvre. Enfin je veux dire celui de ce soir. C'est clairement pas un chef-d'œuvre, hein. C'est juste que tu te dis, ouais, c'est une petite pierre dans l'édifice du cinéma, quoi. Donc, je sais pas. C'est malin, c'est tout le temps malin son cinéma, effectivement. Il va prendre les ingrédients à droite, à gauche, et puis il en fait quelque chose, et puis il fait à sa sauce, et puis il bidouille, et puis voilà, il bricole, et il est bien entouré, il s'entoure bien, et effectivement. Mais moi, je me dis, comment il a réussi à convaincre Hervé Kettel à l'époque, toi, de. Moi, j'admire quand même le mec qui. Je sais pas, a priori, il a rien. Et comme un peu Lucas à l'époque, tu dis, les mecs, ils partent de rien. Ils vont tout de suite accrocher une star. Tu dis, mais comment non, ils mais accrochent pas cette star de rien. Il avait fait le scénario, il avait écrit des scénarios de films, True Romance, enfin, des trucs qui avaient marché. Donc, il était déjà dans le milieu. Il n'est pas sorti de son vidéoclub. Ouais, et puis, tout de suite, il a écrit son scénario, tu vois. Enfin, genre, il y a un moment, il faut remettre la légende aussi, le mythe, il faut le redescendre un peu. Hein. Le gars, il était déjà dans le milieu. Hein. Non, mais tu peux être dans le milieu de là, parce qu'on te confie les rênes, un budget à la réalisation et tout. Ah, je sais pas, moi je trouve que c'est. Je suis impressionné par des mecs comme ça quand même. Mais c'est le principe de tout premier film en fait. Enfin, c'est que. Oui, mais il y en a, ils font un petit court-métrage, ils vont avoir, tu sais, ils vont y aller. Lui, putain, son premier court-métrage, il met quand même une bande de gens. Alors, c'est pour ça que j'ai un doute. Il est dans le fantasme, il est aussi beaucoup dans le fantasme du cinéma. Et on retrouve dans ce film, on retrouve tous les. Enfin, voilà, faut qu'il y ait les. faut qu'il y ait les costards, faut qu'il y ait le voilà, faut qu'il y ait le ouais, l'ambiance, c'est ça, ça infuse de partout. Effectivement, il est, c'est un peu, c'est un hommage aussi au film de gangster, mais ouais, mais je trouve qu'il a un casting pour un premier film. Mais je veux dire, tu prends Spielberg, alors je sais plus d'où elle, si c'est un de ses premiers, mais je veux dire, il a un acteur, après il fait un film concept qui cartonne, et après derrière le mec mais il part d'un film concept où il a pas d'acteur, il a pas de tête d'affiche. Là, je trouve que lui, il démarre Duel, direct quand un... même. Duel, c'est un téléfilm à la base, et c'est en Europe où il est sorti au cinéma, mais sinon c'est bah oui, mais tu vois ce que je veux, oui, c'est mais un téléfilm, oui, mais ce que je veux... Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, toi, il part, il fait un truc qui a du succès, mais il a pas de casting. Je veux dire, il y a un acteur. Duel, si tu compares en premier film. Et nous, à Voreppe, on a même fait un ciné-concert avec Duel, c'était excellent. Duel, c'est un niveau au-dessus que. Puis là, tu peux pas me dire que. Attends, tu peux pas dire que ça ressemble à quelque chose. Tu peux pas... Oui, mais alors, c'est Tarantino. Genre, tu regardes Duel, dis-moi si ça te fait penser. Si ça te fait penser à un autre film. Est-ce que t'as déjà vu? Non, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Non, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre, Duel. Non, mais c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est il est... Vous l'avez vu d'ailleurs ce film? Je te dis, j'ai fait un ciné-concert, je l'ai vu 5 fois. Excellent, ce film. J'ai vu la répétition du groupe, je connais par cœur le film, en plus avec le groupe qui jouait basse guitare, clavier sur le. Ouais, ils ont sonorisé le film en direct, c'était top. Bon, et ben voilà, c'est un film vous l'avez entendu, qui est partagé avec plutôt du négatif malgré tout. Dans le groupe, mais voilà. Il s'est fait plaisir et qu'on peut comprendre qu'on se fasse plaisir en le voyant. Mais après, il y a un mélange de cinéma hongkongais, donc voilà, ils se tirent partout, les traites, les machins. Ouais, ils se tirent partout, c'est pas vrai. Ouais, il y a une scène où ils tirent. Oui, mais. Bon, il faut clôturer, les amis. Donc avant de trouver le prochain thème. On va passer à les petites actualités du moment culturel que vous pourriez recommander ou non, d'ailleurs. C'est pas forcément une recommandation, mais une actualité culturelle. Tiens, Arnaud, je te sens bien sur l'actualité culturelle. Alors, en ce moment, Warner a 100 ans. Et du coup, à cette occasion, ils ressortent. Warner ressort un gros catalogue. Donc, ce qui fait qu'il y a plein de cinémas en France qui repassent. Qui repasse les films de la Warner. Donc, à titre d'exemple, nous, tu vois, à Voreppe, on a repassé La Prisonnière du Désert. Ouais. Et voilà, un grand classique du western. Et ce film, je l'avais vu plusieurs fois, mais à la télé. Et le dur, on n'était pas très nombreux dans la salle, on était une petite dizaine. Mais je suis allé le revoir. Et c'est tourné à Monument de Vallée. Toi, tu as les. Tu as les décors, rien que les décors du film, le paysage, c'est un décor à lui tout seul. Et le film est fort par John Wayne qui est vieillissant, toute l'histoire. Et voilà, c'est l'occasion de revoir des films qu'on a vus qu'on a vu chez soi, et qu'on a vus forcément des bons formats. Et là, tu peux les revoir aussi. Non, je ne sais pas, le Méliès à Grenoble va en passer. Essayer de voir. Tout cet été, il y a des films qui sont normalement pas. Qui sont plus diffusés ou pas commercialisés, et là qui repassent au grand écran. Et franchement, ça vaut le coup d'être curieux, même si c'est. À Saint-Égrève, ils ont passé Casablanca, ils ont passé du. Mais je trouve que c'est une bonne idée, moi, les ciné, surtout dans les périodes un peu plus morses, de repasser des films qu'on n'a pas découvert. C'est des grands classiques. Vous les avez loupés, vous êtes passé des fois à côté, à retourner les voir au cinéma, et je pense que là, vous allez vraiment les apprécier. Je trouve que c'est des bonnes idées d'en ressortir. Voilà, c'était mon petit truc. Antoine ? Alors moi, j'ai continué mon cycle Denis Ménochet. Donc après le film espagnol, j'ai vu Les Survivants. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc il continue à avoir son petit rôle. Donc là, il est dans la montagne, mais il n'est plus en Espagne. Il est à la frontière, ou il est peut-être même en Italie, en tout cas à la frontière franco-italienne. Et il y a une réfugiée afghane qui s'incruste chez lui, et il va l'aider à traverser la... Enfin, en tout cas, aller à son point de rendez-vous. Alors, c'est vrai que le film, il commence un peu comme une fable sociale. Et en fait, après, on est plus dans le jeu du le chat et la souris, parce qu'en fait, il va se faire courser par des milices. Donc, c'est assez... Des douaniers. Ouais, non, c'est pas des douaniers, non, c'est des civils. Hein. C'est des civils qui font la police et puis qui chassent le réfugié à la frontière. Donc, super film. On va même dire des milices d'extrême droite. Ouais, c'est ça. Après, j'ai vu de lui donc Peter Van Kant, un film, je crois que c'est d'Ozon, Bon, oui, c'est ça, ouais. C'est Ozon. Ça, franchement, alors c'est marrant parce qu'il joue un rôle. Ozon, c'est particulier en général. Il joue le rôle de Fassbinder, c'est ça, un truc ouais, comme ça. Ouais, c'est ça, une espèce de diva, un réalisateur allemand diva. Bon, c'est. Et alors en parallèle, j'ai aussi commencé un cycle L'Or Calami avec deux films, donc Annie Colère qui raconte l'histoire de la légalisation de l'avortement en fait. Et franchement, c'est super bien, ouais, c'est prenant. Et j'ai regardé aussi L'Origine du Mal. C'est, alors on se retrouve dans une espèce de Cluedo. Donc on a juste quatre recommandations. Hein. Ouais, non, mais c'est vite fait. Donc L'Origine du Mal, elle retrouve, enfin on croit qu'elle retrouve son père. Son vrai père, parce qu'on croit. Enfin voilà, c'est une espèce de Cluedo, on sait pas trop. Et les pièces. Alors là, voilà, là, c'est un film à pièces où la réalité va se révéler dans les dernières minutes du film. Ah, oh, je trouve pas que c'est dans la dernière minute. Ah, ouais, j'ai été le voir au cinéma, ouais, ouais. Ah, et t'as aimé, mais il est sorti l'année dernière. Oui. C'est Weber, non, qui joue le père. Ouais. Non, je l'ai vu, moi j'ai bien aimé. Alors j'aime bien cette actrice un peu. Toi, j'ai été voir Bonne Conduite aussi avec elle récemment. Et d'ailleurs, un peu le même défaut, c'est que je trouve que ça part bien. Et moi, j'étais un peu déçu de la fin. Parce qu'au début, justement, je me suis fait piéger dans celui dont tu parles, Antoine. Ouais. Et je trouve qu'à la fin, une fois que tu sais, tu le sais quand même, alors peut-être plus assez vite, mais j'ai l'impression aux deux tiers du film, tu comprends tout. Enfin, moi, j'ai souvenir, parce que je l'ai vu il y a un an, hein. J'ai souvenir qu'aux deux tiers, t'as compris. Et il y a un moment que je trouve sympa, un peu à la comme le film de Pierre Niney, là, celui où il prenait le rôle d'un écrivain à la place d'un autre. Ouais. Et en fait, à la fin, t'es pas bien pour elle, alors que tu sais que c'est elle, tu sais qu'elle a usurpé. Mais j'ai trouvé que la chute, ouais, je l'ai trouvé bidon, moi, là, toute. Ah non, moi j'ai aimé parce que donc il y a L'Or Calami et il y a Suzanne Clément qui a un rôle et qu'on voit pas. Donne envie de le voir, le film. Et en fait, si tu veux, moi j'ai pas deviné. Franchement, j'ai pas deviné la fin du film. Par contre, je me dis, il va se passer un truc parce que voilà, c'est une fois de plus, on voit des scènes avec Suzanne Clément et je me dis, il faut qu'elle serve dans l'histoire. Donc à un moment, elle va sortir. Mais j'étais incapable de deviner. Moi, franchement, j'ai pas deviné le film. J'ai pas deviné la. Ah, pour moi, tu le découvres à un moment quand ils sont chez l'avocat ou tu l'as. Enfin, de mémoire, ce que je te dis, ça fait un an que je l'ai vu. Toi, peut-être qu'en le revoyant. Pour moi, tu le sais aux deux tiers du film. Ouais, moi, j'ai marché dans le truc. Mais c'est pas mal. Mais j'ai passé un bon moment. Et même la fin, qui est la conclusion, où elle c'est un peu con, la façon dont elle se fait prendre. Bah oui, c'est nul. Non, mais moi, j'y ai marché parce que je me dis, putain, c'est le détail auquel tu penses pas et auquel tu te fais prendre, toi. Non, moi, franchement, alors j'ai beaucoup aimé. Et après, je voulais vous parler de le dernier film, Titan, la Palme d'Or de je sais plus quand. L'année dernière. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que c'est nul. Ouais, j'ai pas. Oh, c'est nul. Ouais, oh, j'ai galéré. Franchement, j'ai pleuré. Pourtant, il est pour, hein, mais j'ai pleuré. Donc voilà, je vous le conseille pas. Voilà, je passe mon tour maintenant. Après tes 12 heures. Attends, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Moi, j'en vois c'est des vrai, films aussi. C'est vrai, c'est vrai. Pierre, qu'est-ce que tu nous racontes. Moi, j'en ai pas vu autant les films en tout ce temps. Okay. J'ai pas regardé grand-chose. De ce que j'ai regardé, j'ai vu quand même, alors qu'il n'y a pas tout récent non plus, enfin c'est pas aussi vieux que les films de Arnaud, c'est Ne coupez pas, alors je crois que c'est celle qui a commandé la version française quand il était sorti, et j'ai regardé la version originale. La version japonaise ? La version japonaise, j'ai trouvé ça excellent. Mieux que la française ? Ben, j'ai pas vu la version française. Ah, t'as vu que la japonaise. Bien. Ah, c'est bien que tu aies vu l'original. J'ai vu que la japonaise. Mais c'est excellent quand même, il paraît que c'est du copier-coller. Je trouve ça vraiment génial. Pour le coup, c'est rare de voir. C'est le film dans le film, dans le film. Ouais. Bref, c'est un truc de malade. Mais en fait, c'est un concept où tu te demandes où tu vas au début. Quoi. C'est ça. Bon, disons que pendant 25 minutes... J'ai conseillé la version française et j'ai bien dit, vous restez jusqu'au bout de la première demi-heure. Vous arrêtez pas parce que c'est tout le principe du film. Ma sœur, elle a regardé le film, au bout d'un quart d'heure, oh, c'est nul, les acteurs, ils jouent mal. T'as même pas compris le concept du film, en fait. Mais tu regardes la première demi-heure, tu te dis, enfin, la première 25 minutes, quoi, enfin, on voit d'où on parle, tu te dis, c'est de la merde. Mais en fait, mais c'est ça le but, justement. Non, c'est ça qui est trop bien. C'est là que le film est génial. Là. Pour moi, c'est une réussite, ce film. Il est extraordinaire. Ah ouais, j'ai vraiment trouvé ça vraiment génial. J'ai pas vu la version française. Mais elle est très réussie, en tout cas. Franchement, moi, j'ai trouvé excellent. Et Romain Duris, mais il y a une énergie dans ce film. Ouais, il est excellent. Alors, moi, je suis pas un grand fan, forcément, de Duris. Enfin, ça dépend des films. Dedans, il est excellent. En fait, ils sont tous excellents. Non, mais ils sont tous excellents. Jean-Pascal Zadi qui fait les bruitages, la musique, il est excellent aussi. Non, ils sont tous. Non, franchement, ce film là, il est réussi. Il faut reconnaître pour une adaptation. Il a permis de faire découvrir le film à plein de Français et je trouve ça bien quoi. Donc, ouais, valide. Sylvia ? Eh bien, alors, on va dire que c'est peut-être un petit hommage à Bourdoisan. On est en train de regarder une série sur le Tour de France qui est sur Netflix. Donc, en fait, c'est une série sur le Tour de France 2022. Et c'est vraiment monté comme une série. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, on va être un peu plus sur une équipe. On voit leur stratégie, sur ce qu'ils veulent faire, comment gagner, etc. Et du coup, il y a ce côté vraiment série qui se suit bien. Alors, on n'a pas fini encore. Alors, ça ne me fera pas regarder le vrai Tour de France parce que justement, là, ce qui fait que ça tient en haleine, c'est le côté montage. Il y a 8 épisodes qui font tout le Tour 2022. Mais du coup, ça rentre vraiment dans les équipes, effectivement. Ça met en avant l'aspect sport d'équipe qu'on voit. Et c'est quelle année que ça c'est quelle année ouais. Ah, c'est 2022, d'accord. Par contre, si vous vous intéressez, parce que moi j'ai un collègue qui suit le Tour de France, il a regardé la série, il était un peu déçu parce que c'est monté comme une série en suspense en fait. Hein. Et comme lui il connaît tous les résultats, il est capable de dire qui a gagné à quelle étape, bon bah lui il savait la fin de l'épisode au commencement en fait. Donc. Mais comme j'ai pas regardé le Tour de France, et ben moi c'est super, ça me ferait une vraie série avec des suspens. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de Rush, vous vous souvenez de ce film de Formule 1 ouais, c'est, moi ça me fait le même effet, c'est-à-dire que. Oh, une série sur le vélo, je m'en fous, en fait, ça m'intéresse pas. Enfin, tu vois, ça... Et en fait, tu regardes ça, t'es happé, et au final, ouais, non, c'est vraiment. Alors, y a et au final, j'ai envie de voir la suite. Et on en quoi, a vu 6, mais franchement, c'est. Bah, moi, au boulot, à midi, ils en parlaient au repas, et tous ceux qui en parlaient, ils disaient, ouais, t'as vu la série, elle est géniale et tout. Enfin, ils étaient vachement positifs, quoi. Ils abordent le dopage ou pas ? C'est. Alors, c'est évoqué dans un des épisodes, mais plus sur le côté ancien, en fait. Enfin, il y a un d'accord. des. Parce que. Tu vois des coureurs, mais tu vois aussi des managers de course, des directeurs d'équipe, etc. Il y en a un à un moment donné qui en parle. Mais après, c'est évacué. Hein. C'est pas, ouais. C'est clairement pas le fond du truc. Faut pas ternir l'image, quoi. Ok, bon, bah non, mais vous faites envie. En tout cas, ça fait plusieurs fois que j'entends parler. Et ben bah, moi, je vais. Qu'est-ce que je. Alors, je vais recommander un film qui m'a paradoxalement déçu, mais en fait, je suis. Il y a des films comme ça où j'aimerais qu'ils marchent, ou. Et en même temps, j'ai pas été non plus enthousiasmé, mais je trouve qu'il y a plein de bonnes choses. Et c'est Élémentaire que j'ai vu là de Pixar. Ah, c'est bien ça. Bah alors bon. Justement, en fait, il a plein de défauts. Il a plein de défauts, mais en même temps, il a tellement de qualités que je sais qu'il marche pas. Et je suis déçu parce que déjà visuellement, c'est magnifique parce que visuellement, ça me semble assez lambda, non ? J'ai l'impression d'avoir déjà non, vu. Non, c'est au début, c'est je crois parce que ça spin-off. Mélange. Ça mélange du vice-versa, c'est ça ? Ouais, je croyais que c'était toi du vice-versa. Ça ressemble, mais c'est beaucoup plus beau. Et ce qui est fort, c'est que suivant les éléments, je veux dire, le feu, il a un côté un peu qui a été amené à nouveau récemment par Spider-Man, c'est-à-dire un côté crayonné, 2D. L'eau, elle est en 3D. C'est magnifique. L'univers, il est génialissime, il est presque sous-exploité, en fait. C'est presque frustrant parce que t'as envie de rester dans cet univers. Il n'y a pas de méchant. C'est une production Pixar, quoi. Ouais, mais il n'y a pas de méchant. Alors ça, moi, déjà, ça faisait longtemps que je me disais, mais pourquoi ils ne font pas un film sans méchant ? Et c'est le cas. Il n'y a pas de méchant dans l'histoire. Je trouve ça super, super original. Si c'est la société qui est méchante. Non, il n'y a pas de... Bah, vice-versa, il n'y avait pas de méchant non plus, il me semble. C'est pareil. Alors, à un moment, ils rentrent dans un endroit vice-versa où... Ou je sais plus, les cauchemars. Enfin, il y a un moment où il y a un moment où il y a. Enfin, c'est peut-être pas ouais. des méchants, mais effectivement, vice-versa, on n'en était pas loin. Mais j'ai adoré vice-versa, je trouvais que c'était super original. Et sauf que depuis, ils avaient fait plein de films où on retrouve des méchants, Pixar. Donc là, c'est un film, je l'ai trouvé assez poétique. Sur, ça aborde pas mal de thèmes. Sur, alors oui, si tu veux, le méchant, c'est la société, mais c'est pas non plus caricatural. Sur l'incompatibilité, le destin entre les parents, les enfants, j'ai trouvé que. Il y a plein de bonnes choses et inversement, bah des fois je trouve que ça manquait de rythme. Donc je sais pas, mais je veux dire quand je vois tous les films que j'ai été voir, les merdes là, les Flash, les moi même Spider-Man là, tout le monde dit c'est un chef-d'œuvre, je suis désolé, moi le 2 il m'a saoulé, j'avais bien aimé le 1. Spider-Man là, c'est là, j'ai pas entendu des bonnes critiques moi sur le Spider-Man. Ah le Spider-Man, c'est le multivers du multivers du multivers, moi ça me saoule, j'en peux plus de ça. Enfin, du coup on te fait un torche-balle en histoire mais le prétexte c'est le multivers. Alors c'est quand même mieux fait que The Flash, hein, qui a une bouillie indigeste. C'est The Flash, on a entendu des très mauvaises critiques. Oui, Flash aussi. Ah ouais, c'est de tout ah non, mais, non. Ah non, mais The Flash, ah, là, attends, t'es la Rolls de la merde. Là. Non, attends, y a rien que pour voir ce que ça aurait donné. Mais non, pour voir ce que ça donnait Nicolas Cage en Superman. Non, arrête, oui. Rien que pour ça, enfin, ça va. Non, mais du coup, Élémentaire, ben, en fait, ça m'a fait du bien de voir un film qui est posé. Il y a beaucoup de films pour les gamins que je trouve bruyants, fatigants. Ça pète de partout, ça braille de partout, les mignons, les trucs. Les bandes-annonces des films de gamins, je me dis, ça les surexcite. Là, c'est un film qui est posé. je sais pas, moi j'avais envie d'être dans ce monde en fait. Il y a de l'amour, beaucoup d'amour. Ouais, non, mais il y a de l'amour, il y a de. Ben voilà. Mais en fait, il a quand même plein de défauts. Ça parle de la famille. Il a plein de défauts ce film. Donc, mais voilà, ça parle de loyauté aussi. J'aimerais bien qu'il marche quand même. Voilà, l'heure est à la. L'heure est au tirage au sort. Alors, c'est à qui de choisir le prochain film? Bah, c'est à moi. Oh là là là là là là. Alors. Alors, attention. Ou 10. Je suis tombé sur la saison 10. Et du coup, ça sera entre 1 et 18. Allez, je génère. Et le 12. Et le 12, celui qui jouait le rôle du père. Je vais mettre un Star Wars. Non, qui jouait le rôle du père. Pas celui qui était le père. Ah. Ah, qui t'as jouait le garçon, rôle du père. Ouais, enfin bon, t'as le temps, hein, on n'est pas obligé de trouver. Donc celui qui jouait le rôle du père. Voilà. Oui, et en anglais, c'est celui qui remplace le père qui n'est pas là. Et celui en anglais, c'est celui du mariage de Phoebe. Ouais, ça n'a vraiment rien à voir. Rien à voir. Bah si, parce qu'au mariage de Phoebe, il y en a un qui joue son père. Voilà, oui, c'est ça. Donc si, celui que j'ai eu, moi, c'est celui juste avant. C'est le 10, oui. Épisode 11, ouais. Celui qui trahissait le pacte. C'est celui juste avant. C'est ce que je viens de voir, ouais. bah voilà, celui qui joue. Donc, c'est pas celui qui est le père. Hein. C'est bien celui. Ah ouais, si celui on veut être en raccord avec Friends, il joue un rôle. Bon. Celui qui jouait le rôle du père. Et ben voilà, à méditer. Il y a plein de films comme ça où c'est quelqu'un d'autre qui emmène la femme à l'église. Oui, oui, oui. Ouais, oh. Il va trouver Antoine. Genre le oncle Ben dans Spider-Man, c'est un peu le père de Spider-Man. Quoi. Par exemple. Oui, alors ça peut être vu dans son. Bah, il nous trouvera son explication, il nous expliquera. Vous l'avez vu, le film qui s'appelait Mud? Mud? Oui, je l'ai vu. Oui, oui, oui, il l'avait ça vu. Ça aussi, ça rentrait. Mmh. Oui, ça y est. Enfin. Bon, de toute façon, c'est Antoine, c'est pas vous qui choisissez, c'est son film. En plus, c'est un film où il n'y aura pas de plan qui serve à rien. Donc moi. Aucun. C'est un film épuré où il n'y a que des plans qui servent à quelque chose. Non, mais c'est ça aussi qui fait la force d'un film quand tout fonctionne, tu sais, quand tout se tient et tu dis ah putain. Non, mais je suis d'accord. Je te taquine, mais je suis d'accord avec toi. Je partage en même temps, mais bon, faut qu'il y ait un peu de dissonance. Bon, bon et bien sur ces bonnes paroles, on vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Allez, ciao. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Salut. Et vive le cinéma! Bonne nuit.